الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين في كتابه الكريم. ثم أعلم رحمني الله وإياكم أن من الواجبات الجسيمة التي يجب على العبد رعايتها والأمانات العظيمة التي يلزم الاهتمام بها ورعايتها. خلاص، معلش. والعناية بها تربية الأولاد. هذه المسؤولية مسؤولية عظيمة تسأل عنها يا عبد الله يوم القيامة وأنت يا أمة الله. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالله تبارك وتعالى وهب الآباء أولادا امتحانا وابتلاء، فإن قاموا بواجبهم وأدوا حقهم نالوا عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عباد الله، اعلموا أن تربية الأولاد تقوم على ركائز عظيمة وأسس مهمة لا بد منها لمن أراد النجاح في تربية أولاده. أولا، الدعاء لهم قبل مجيئهم. تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية صالحة، وبعد مجيء الأولاد تسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، تسأل الهداية لهم والصلاح ثم الثبات على الاستقامة. وهذا منهج الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. فهذا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقول كما قال الله تبارك وتعالى: ربي هب لي من الصالحين. ومن دعائه عليه السلام: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال أيضا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا نبي الله زكريا عليه السلام يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء عباد الرحمن كما ذكر الله سبحانه وتعالى في خاتم سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالدعاء أمر هام جدا، الدعاء أمر هام جدا، لا سيما أن دعاء الوالدين مستجاب. فعليكم بالإكثار من الدعوات الطيبة لأولادكم، وإياكم ثم إياكم والدعاء عليهم. لا تدعوا على أولادكم لا سيما حالة الغضب، فلن يصلح ولدك إلا إذا أصلحه الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق والهداية والخير كله بيد الله عز وجل. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله. الأمر الثاني من الأسل والأسس والركائز المهمة في تربية الأولاد العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد والبعد عن الجور والظلم. فإن الوالد إذا لم يعدل بين أولاده أوجد بينهم العداوة والتحاسد، وإذا عدل بينهم كان عدله سببا كبيرا في توادهم وبرهم له أجمعين. ففي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما عندما نحله والده نحلة وطلبت أمه أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال إذن لا أشهد على جور. وفي رواية فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لمسلم رحمه الله أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم العدل بين الأولاد لما يورثه من عقوق والتقاطع بين الإخوان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا أو كان رجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله ثم أجلسه في حجره، وجاء أي بعد ذلك جاءت ابنة له فأخذها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عدلت بينهما؟ ذكره الألباني في السلسلة رحمه الله تعالى. ومن الركائز في تربية الأولاد الرفق بهم ومعاملتهم بالرحمة والرفق واللطف والإحسان والبعد عن الغلظة والشدة والجفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة تبدأ مع الأولاد منذ صغرهم وتستمر معهم دائما وأبدا. ليس ضعفا منك أن تظهر رحمتك ولطفك بالأولاد، بل هذا كمال. تمسح رؤوسهم وتقبلهم وتمازحهم وتحملهم وتضحك معهم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي رضي الله عنهما والأقرع بن حابس عنده، فقال إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أيها المؤمنون إن رحمتكم وإحسانكم ولطفكم بأولادكم سبب لقربهم منكم ومحبتهم لكم. وحبهم للجلوس معكم. وإذا وجد هذه الأمور تمكن الآباء من إرشاد أولادهم، تمكن الآباء من إرشاد أولادهم وتوجيههم ونصحهم مع تقبل تام من الأبناء. الأمر الرابع، الحرص دائما على مناصحة الأولاد والوصية لهم ونصحهم، لا سيما في العقيدة الصحيحة، والتحذير مما يضادها، والمحافظة على الصلوات والقيام بفرائض الدين، والنهي عن والتحذير من الآثام. ومن أحسن ما ذكر في القرآن الكريم وصايا لقمان الحكيم، وصايا لقمان كما تقرؤون في سورة لقمان، بدأ بالوصية بالتوحيد، ثم الإحسان إلى الوالدين، ثم المحافظة على الصلاة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وهكذا حسن الخلق إلى غير ذلكم، بارك الله فيكم. ومن أحسن ما نجد في القرآن ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهكذا الآباء ينصحون أولادهم ويجالسونهم. وفي المسند قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم أو مروا سبيانكم بالصلاة لسبع. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالأمر بالصلوات لأولادنا أمر مهم جدا، كي ينشأوا نشأة طيبة مباركة صالحة. وبعد الآباء، هدانا الله وإياهم لا يدرون عن أولادهم شيئا، لا يجلسون مع أولادهم ولا يسألون عنهم، بل ترى الولد يخرج ويدخل والوالد أو الوالدة لا يعلمان عنه شيئا. هذا تفريط بين. وإن اليوم علينا، وخاصة اليوم علينا أن نراقب أولادنا، علينا أن نراقب أولادنا، لا نتركهم أمام التلفاز الساعات يضيعون أوقاتهم، أو يخرجون في الشوارع يضيعون أوقاتهم، أو يجالسون أهل الفسق والفجور. أو وجد في أيامنا هذه نوعا من المجالس لم تكن في العهد الأول، وهو الجلوس أمام الإنترنت. هذا يضر الأولاد جدا، هدانا الله وإياكم. ومن أعظم هذه الأسس أن تكون قدوة حسنة لأبنائك، هذا أفضل من كثير من الأقوال والتهديد. لا تأمر بولدك الخير وأنت تخالفه، ولا تنهى عن شر وأنت ترتكبه، هذا تناقض واضح. قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن قول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ومع كل هذه الأسباب يا عباد الله، علينا أن نفوض أمورنا كلها إلى الله عز وجل، الأحد الصمد الملك الحق الحي القيوم، الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، parmi les plus grandes responsabilités desquelles sont chargés les pères et mères, il y a l'éducation de leurs enfants, le fait de les préserver, de les éduquer et de les orienter selon le meilleur. Aussi, comme nous l'avons vu la semaine passée, bihamdillahi azza wa jal, c'est la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala faite aux serviteurs, le fait de préserver et d'éduquer leurs enfants. Et nous savons tous que nous serons questionnés sur nos enfants, ce que nous leur avons appris, ce que nous leur avons appris, enseigné, et dans quoi nous les avons, et vers quoi nous les avons orientés. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous interdit de trahir ce dépôt. Il nous interdit de trahir ce dépôt et nous enseigne que dans nos enfants, il y a une épreuve et une tentation. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé des enfants, c'est un test et une épreuve. Si tu t'acquittes de tes devoirs envers lui, si tu t'acquittes de tes devoirs envers eux, envers tes enfants, alors apprête-toi à recevoir la grande récompense d'Allah Azza wa Jal. Et dans le cas contraire, Allah subhanahu wa ta'ala te menace. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, pour beaucoup d'entre nous, des enfants. Et c'est une responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes tous responsables et chacun sera questionné sur sa responsabilité. Et aujourd'hui, nous allons voir les bases. Nous allons voir et citer les bases sur lesquelles doivent reposer l'éducation réussie de nos enfants. Les bases et les fondements sur lesquels doivent reposer l'éducation de nos enfants. Premièrement, ad-du'a. Premièrement, l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Avant même la venue de cet enfant, tu invoques Allah Azza wa Jal afin qu'il t'accorde des enfants pieux. Après leur venue au monde, tu invoques Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'il te les préserve, afin qu'il les guide. Et s'ils observent la droiture et marchent sur le chemin sur lequel marchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis les compagnons et nos pieux prédécesseurs, alors tu ne cesses d'invoquer Allah Azza wa Jal en sa faveur, afin qu'il le raffermisse et le préserve de tout mal. Et sachez que cela, c'est-à-dire le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal en faveur de nos enfants et des enfants de nos frères et sœurs, est la voix des prophètes et messagers avant nous. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite cela pour plusieurs de ses prophètes, et parmi eux, le prophète Ibrahim alayhi salam, qui invoquait Allah Azza wa Jal en lui demandant de lui accorder une descendance parmi les pieux. Il a également demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'il soit un homme qui préserve la prière et d'en faire de même et d'accorder la même chose à sa descendance. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de le joindre au nombre de ceux qui préservent leur prière et d'accorder la même chose pour sa descendance. On trouve également parmi les invocations d'Ibrahim alayhi salam et éloigne-moi moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Donc tu invoques Allah Azza wa Jal afin qu'il t'accorde le bien et qu'il accorde également le bien à tes enfants. Tout comme tu l'implores afin qu'il te préserve du mal et qu'il préserve également tes enfants de tous les maux. Allah Azza wa Jal nous cite cela également pour Zakariya. Zakariya alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une descendance pieuse. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une descendance pieuse en l'invoquant puis en disant, certes, tu es celui qui entend et répond aux invocations. Et Allah Azza wa Jal nous a cité parmi les caractéristiques des serviteurs du Tout Miséricordieux, des serviteurs pieux dont Allah Azza wa Jal est satisfait, le fait qu'ils invoquent et demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de leurs épouses et de leurs enfants également la prunelle de leurs yeux et de faire d'eux des guides pour les pieux. Donc c'est ainsi que se comportaient les personnes pieuses avant nous. Nous devons emprunter ce même chemin. Et sachez, ô chers parents, que vos invocations envers vos enfants ou en faveur de vos enfants sont exaucées par Allah tabaraka wa ta'ala. Il vous faut donc multiplier les invocations en faveur de vos enfants et surtout ne pas invoquer contre eux. Et surtout ne pas invoquer contre eux particulièrement en état de colère, contrairement à ce que nous pouvons entendre et voir malheureusement. Le deuxième point, parmi les bases et les fondements qui aident à l'éducation réussie de l'enfant, la justice et l'équité entre nos enfants. Le fait d'être juste, si tu accordes une chose à l'un de tes enfants, tu dois accorder la même chose aux autres. Et si tu as une attention particulière envers l'un de tes enfants, tu dois accorder cette même attention particulière à l'autre. Ceci afin qu'il n'y ait pas de l'inimitié entre tes enfants et qu'ils ne te désobéissent pas par la suite et aient un mauvais comportement envers toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite de Bashir, le père de An-Nu'man. Celui-ci avait offert un cadeau à son fils An-Nu'man. Alors son épouse lui a dit d'aller le montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le père de An-Nu'man radiallahu anhu est arrivé, il a montré ce cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Immédiatement le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué sur cette grande base. Il lui a dit, as-tu offert la même chose aux autres enfants? As-tu donné la même chose à tes autres enfants? Il a répondu non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors je ne témoignerai pas de cette mauvaise action. Alors je refuse d'être témoin pour cette mauvaise action. Dans une autre version du hadith, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, craignez Allah envers vos enfants et soyez juste et équitable envers vos enfants. Craignez Allah envers vos enfants et soyez juste et équitable envers eux. Et dans une autre version du hadith, dans le recueil de l'imam Muslim, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'aimerais-tu pas qu'ils soient tous semblables dans leur bienfaisance envers toi? Il a répondu certes. Il lui a dit alors n'agis pas ainsi. Alors n'agis pas ainsi, car celui qui se montre injuste entre ses enfants et qui ne se montre pas équitable, certains parmi ses enfants seront bienfaisants envers lui et d'autres seront désobéissants car ils n'ont pas vu la justice de leur père car ils n'ont pas, ou de leur mère car ils n'ont pas tiré profit de leurs bienfaits. Il nous faut donc être équitables afin qu'il n'y ait pas de dissension entre les enfants du même foyer et afin que l'ensemble des enfants se montrent bienfaisants et respectueux envers leurs parents. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, il y avait un homme assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que son fils est arrivé. Il l'a porté, l'a embrassé et l'a fait s'asseoir sur lui. Il l'a porté, il l'a embrassé et l'a fait s'asseoir sur sa personne. Par la suite, sa fille est arrivée. Il l'a porté et l'a fait s'asseoir à côté de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi n'as-tu pas été juste envers les deux? C'est-à-dire que le premier, parmi tes enfants, tu l'as porté, tu l'as embrassé, tu l'as fait s'asseoir sur toi. Quant au deuxième, tu l'as porté, tu l'as fait s'asseoir à côté de toi. Tu aurais dû faire la même chose aux deux enfants. C'est ainsi que nous a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les grands points de l'éducation réussie et les grandes bases, il y a le fait de se montrer doux et affectueux envers nos enfants, d'avoir de la pitié et de la miséricorde envers nos enfants et d'être bienfaisant envers eux et s'éloigner de la dureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a souvent encouragé à la bienfaisance envers les gens de manière générale et à la douceur de manière générale et à plus forte raison avec tes enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ceux qui font preuve de pitié envers ceux qui sont sur la terre, celui qui est au-dessus des cieux leur fera miséricorde. C'est-à-dire, si tu as de la pitié envers les gens, envers les choses et les animaux, Allah Azza wa Jal aura pitié de toi. Et cette miséricorde et cette douceur, ton enfant doit en témoigner depuis sa venue au monde, ou peut-être même avant cela. Et cette douceur et cette miséricorde devra l'accompagner à tout jamais. Cette douceur et cette miséricorde devra l'accompagner à tout jamais. Et ne pense pas que cela fait partie de la faiblesse de l'homme que de montrer son affection et son amour pour ses enfants. Bien au contraire, cela était le comportement des serviteurs d'Allah Azza wa Jal les plus pieux, comme les prophètes et messagers et les serviteurs pieux après eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa main sur la tête des enfants. Il les embrassait, il invoquait Allah Azza wa Jal en leur faveur, il plaisantait avec eux. Il jouait avec eux, sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était le messager d'Allah, alors qu'il était occupé, alors qu'il avait la plus grande responsabilité au monde, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, Abu Hurayra, radiallahu anhu, nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé al-Hassan, fils de Ali, c'est-à-dire son petit-fils, le fils de Fatima, sa fille, radiallahu anhum. Puis, il y avait auprès de lui Al-Aqra' ibn Habis radiallahu anhu, un des compagnons. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Ô messager d'Allah, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un de mes enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui n'a pas de miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Celui qui n'a pas de pitié envers les autres, il ne recevra pas la pitié. Aïcha radiallahu anha nous dit qu'il y avait un bédouin auprès du prophète sallallahu, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ô messager d'Allah, vous embrassez les enfants? Nous n'embrassons pas les enfants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que puis-je faire pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur? Que puis-je faire pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton cœur? Donc d'être bienfaisant envers les enfants, d'avoir de la pitié et de la miséricorde, fait partie des attributs de perfection du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que si on se comporte ainsi envers nos enfants, ils nous aimeront, ils seront proches de nous, ils trouveront bonne compagnie auprès de nous. Alors nous serons plus à même de leur adresser les conseils sincères et les recommandations, et on trouvera la meilleure écoute de leur part, et ils suivront nos conseils. Le quatrième point, la quatrième base pour la réussite de l'éducation de nos enfants, c'est le fait de souvent leur faire des recommandations, de souvent les conseiller, de s'asseoir avec eux et de leur parler, de savoir ce qui se passe dans leur vie, de les questionner, d'être à leur écoute et de les conseiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait du temps avec ses enfants et il les conseillait. On voit dans le Coran qu'Ibrahim alayhi salam a fait des recommandations à ses enfants. On voit que Yaqub alayhi salam a fait des recommandations à ses enfants. Et la plus grande de ses recommandations, il leur a dit, veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Voici la plus grande des recommandations, le fait de recommander à ton enfant de suivre la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'adorer Allah azza wa jal d'un culte sincère, sans jamais rien lui associer, de mettre en pratique l'islam, de préserver ses prières et d'être doté de nobles caractères. Et c'est ce que l'on trouve dans les belles recommandations de Luqman, comme cela nous est cité dans la sourate Luqman. Luqman a fait des recommandations à son enfant et il a commencé par lui montrer et lui témoigner son amour, la miséricorde et la douceur qu'il a envers lui en lui disant « Ya Abunay, ô mon fils ». Il l'a appelé par cette appellation qui nous montre qu'il l'aime et qu'il lui veut le bien. Puis il lui a dit « La tushrik billah, inna shirka la zulmun azim ». N'associe jamais rien à Allah, car certes le polythéisme est une énorme injustice. Voici la première recommandation citée dans le Coran de Luqman à son fils. Donc il lui a ordonné At-Tawhid et l'a mis en garde contre le polythéisme, car c'est le pire péché par lequel Allah fut désobéi. Inna shirka la zulmun azim. Certes le polythéisme est une énorme injustice. Ensuite il lui a recommandé la bienfaisance envers ses parents, la préservation de la prière, le fait de savoir qu'Allah nous surveille où que nous soyons, et le fait d'avoir des nobles caractères. Et Inch'Allah Ta'ala, dans une khutbah, nous détaillerons cela. Inch'Allah Ta'ala, puis tu leur ordonnes la prière. Ceci est très important à partir de l'âge de 7 ans. Tu ordonnes à ton enfant la prière et tu lui enseignes Al-Fatiha. Tu lui enseignes les invocations dans la prière et tu l'encourages dans cela. Parmi les grands fondements de l'éducation réussie de l'enfant, le fait de lui recommander les assises pieuses, le fait de veiller à ce qu'il ne fréquente que de bonnes personnes, le fait de le mettre en garde contre les mauvaises assises. Beaucoup parmi les parents qu'Allah nous guide et les guide, ils ne savent rien de leurs enfants. Avec qui est-ce qu'ils marchent? Alors, à quelle heure est-ce qu'ils sortent? À quelle heure est-ce qu'ils rentrent à la maison? Ils ne savent rien de leurs enfants. Avec qui ils restent? Qui est-ce qu'ils fréquentent? Tu trouves l'enfant qui est très jeune rentré avec des choses chez lui, des vélos ou de l'argent ou autre. Et le père ne se pose même pas la question de savoir comment est-ce que son enfant, qui a 10 ans ou qui a 12 ans, a pu rentrer avec ces choses-là, alors qu'il ne travaille pas, alors que le père ne lui a pas donné d'argent, alors que la mère ne lui a pas donné d'argent. Tu es coupable et tu es responsable si tu ne surveilles pas ton enfant. Tu dois savoir avec qui il marche. À l'heure qu'il rentre, tu dois lui faire des recommandations, tu dois le conseiller quant à ses fréquentations. Beaucoup se fatiguent durant de longues années, de nombreuses années. Puis, en un an, tu vois l'enfant s'égarer. Pourquoi ? Car il reste avec de mauvaises fréquentations. Car il reste avec de mauvaises fréquentations. Et de nos jours, nous avons la venue d'une nouvelle fréquentation qui n'était pas présente chez nos anciens. C'est Internet. C'est Internet. Certaines personnes restent de nombreuses heures durant. Le père achète un ordinateur à ses fils et filles. Et ensuite, il se plaint lorsqu'il retrouve sa fille avec des hommes. Ou il retrouve son fils avec des mauvaises personnes. Pourquoi ? Car il ne les surveillait pas. Et c'est lui qui leur a ouvert cette porte. Et c'est lui qui leur a ouvert cette porte. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois les gens s'égarer dans les innovations ou dans le polythéisme et sombrer dans de nombreuses innovations ou dans le terrorisme. Quelle en est la cause ? La cause, c'est Internet. Et la première cause, c'est toi qui as fait entrer cela chez toi. C'est toi qui as acheté cela à tes enfants. Ou bien tu leur ramènes la télé et tu ne les surveilles pas. Tu leur ramènes la télé, tu ne les surveilles pas. Ensuite, tu t'étonnes pourquoi elles ont sombré. Car c'est la télé qui les a éduqués. Ça n'est pas toi, ni ton épouse. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Le cinquième point, parmi les grands points de l'éducation de nos enfants, c'est le fait d'être des exemples pour eux. Le fait d'être un exemple pour ton enfant sera bien meilleur que beaucoup de paroles et beaucoup de menaces. Si tu recommandes à ton enfant le bien que tu ne le fais pas, ou tu lui interdis le mal et que tu le fais, tu te contrediras et l'enfant n'acceptera pas de toi. Tu dis à ton enfant préserve la prière et il te voit délaisser la salat. Tu dis à ton enfant va prier à la mosquée et toi-même tu ne vas pas à la mosquée. Tu dis à ton enfant pourquoi est-ce que tu mens et lorsque quelqu'un te téléphone sur le fixe de la maison, tu lui dis dis-lui que je suis absent. C'est toi qui lui as enseigné le mensonge depuis son plus jeune âge. Pourquoi est-ce que tu t'étonnes maintenant de ces mensonges ? Tu dois être un exemple pour tes enfants, dans ton comportement, dans ta religion, dans tes paroles, dans tes actions, dans tout ce que tu fais et délaisses, sois un exemple pour eux. Et tu verras que l'enfant prendra plaisir à t'imiter, car tout naturellement la fille penche vers la mère, et tout naturellement le fils penche vers le père. Wallahu al-musta'an. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, est-ce que vous recommandez aux gens ? Est-ce que vous ordonnez aux gens la bienfaisance et vous vous oubliez vous-même ? Donc, alors que vous lisez le livre, n'avez-vous pas la raison ? Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Et le dernier point, il nous faut être endurants car ce chemin est long et difficile. Ce chemin est long et difficile. Voici six causes. Si nous les concrétisons, on espère en Allah Azza wa Jal qu'il nous réformera nous ainsi que nos enfants. Et avec toutes ces causes, n'oublie pas que celui qui nous réforme et réforme nos enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Tu dois donc compter pleinement sur lui, abandonner toute ton affaire auprès d'Allah azza wa jal, et savoir que si Allah azza wa jal réforme ton enfant, il sera réformé. S'il le guide, il sera guidé. Et dans le cas contraire, il ne pourra obtenir cette guidée. Donc abandonne toute ton affaire à Allah azza wa jal. C'est le seul qui peut te réformer toi, ainsi que tes enfants. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا وأولادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا. Avant de conclure, un point qui m'a été relaté et qui met en colère chaque musulman qui est jaloux pour sa religion. Et qui met en colère chaque musulman qui est jaloux pour sa religion. J'ai été informé, Wallahu a'lam, que la semaine passée, lorsque nous avons entendu cette sœur malade, que certaines femmes ont enregistré, ou pire même que cela, ont filmé. Si cette information est véridique, on leur demande d'effacer cela. Et dans le cas contraire, on invoquera Allah subhanahu wa ta'ala contre elle en soujoud. Si elle n'efface pas cela, on invoquera Allah subhanahu wa ta'ala contre elle en soujoud. Et cette action ne peut provenir d'une personne pieuse qui craint Allah tabaraka wa ta'ala et qui veut le bien pour ses frères et sœurs. Comment est-ce que dans la tristesse et la difficulté de votre sœur en Allah Azza wa Jal, vous pouvez filmer cela ou enregistrer cela. au lieu d'espérer pour Allah subhanahu wa ta'ala le bien pour elle, puis d'invoquer Allah azza wa jal en sa faveur. Ceci est une action qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Donc on vous demande d'effacer cela et de craindre Allah azza wa jal et de ne pas recommencer cela. Et vous avez filmé des femmes à leur insu. Et cela est haram, sans aucun doute. Fattaqin Allah. Donc craignez Allah azza wa jal et délaissez cela. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit un autre jour. Et la personne qui est malade, on demande à Allah azza wa jal de la guérir. Mais si elle se rend au masjid, elle vient avec un mahram. Si elle se rend au masjid, elle vient avec un mahram. Ou une personne qui pourra la faire sortir en cas de maladie et l'aider. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تراس قيموا صفوفكم وهادوا بين المناكب والأقدام استوى لا تختلف تختلف قلوبكم ثم الصف الأول ثم الذي يليه وما كان من نقص فليكن في الصف الأخير استوى استوى استوى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر